musée d'Ildex. Oui, bonjour monsieur, c'est bien le musée de la maison de l'empereur. Oui monsieur. À l'île d'Aix. Hein. L'Ildex, oui. Bonjour monsieur de la place, chef du protocole de la préfecture. Oui. Pareil. Monsieur le préfet souhaiterait visiter le musée de la maison. Oui. Oui. Et ce serait pour quand, monsieur ? Écoutez, monsieur le préfet souhaiterait la visiter maintenant. Comme vous le savez, il vient de se faire opérer de la cataracte. Hein. Oui. Donc, il va la faire avec vous. Je vais vous passer, monsieur le préfet de région. Hein. Merci, monsieur. Monsieur le préfet, nous avons le gardien du musée de la maison de l'empereur. Hein. Je vous remercie. Allô ? Allô ? Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur. Ce serait pour visiter le musée de l'empereur. Voilà. Alors, je vais vous suivre. Comme on vous l'a dit, je oui. suis oui. fraîchement opéré de la cataracte. Oui, vous venez à quelle heure, monsieur ? Maintenant, parce que comme je ne vois pas... Vous ne voyez pas. Je vous demande de me décrire ce qu'il y a dans le musée. Ah, dans le musée ? Guidez-moi, je vous suis. Bon. Bon, de gauche à droite, bon, la première salle, c'est une collection du baron Gourgaud. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Beaucoup de tableaux, le lit du général Gourgaud. Qui était l'aide de camp de Napoléon. Je le connais, un sacré bretteur, comme on dit. Hein. Eh oui. Quelqu'un qui se bagarrait beaucoup à l'épée. Oui, oui. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? Ben dans la deuxième salle, c'est encore des tableaux. Et c'est une collection de tableaux, de pas mal de tableaux, quoi, si vous voulez, par là. Il y a des tableaux, quoi. Ah oui, oui, oui, il y a beaucoup de tableaux dans le musée. Hein. Oui, c'est ça, on oui. voit beaucoup de tableaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tableaux. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, monsieur le préfet. Hein, c'est bien ça. Et je crois que sur la gauche, comme sur la droite, oui, oui. on voit essentiellement... Beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux, c'est des tableaux sur l'île d'Aix. Mais il y en a beaucoup ? Oh, il y en a beaucoup, assez, monsieur le préfet, oui. Mais est-ce que ça fait beaucoup, beaucoup de tableaux ? Oh, ben, enfin, beaucoup. Remarquez, les salles sont assez grandes, quand même, alors donc... Ça fait pas beaucoup ? Non, ça fait quand même pas énorme, enfin. Ouais, c'est ce que... Parce que quelqu'un m'a dit, vous verrez, dans la deuxième salle, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de tableaux. Oui. Enfin, mettons qu'il y en a une vingtaine à peu près. Oui, hein. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup quand même pour la superficie de la salle. Ah oui, ça ouais. fait pas beaucoup. Non. Donc il y en a très peu. Très peu, oui. Il y en a même pas assez, je crois. Oh, ben faut quand même pas trop meubler la salle parce qu'après les gens, vous savez, ils n'ont pas le temps de tout regarder comme c'est des visites guidées, vous savez. Il y a beaucoup de gens. Oui, c'est ça, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, je crois. Ah oui, beaucoup, oui, de visiteurs en pleine saison, oui. Mais beaucoup, beaucoup de gens. Ah oui, il y a beaucoup de gens. Et oui. évidemment, il y a beaucoup de gens pour très peu de, ben, oui, de tableaux. De tableaux, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Donc, il y a beaucoup de gens pour pas beaucoup de tableaux. Tableau, oui. Donc, je pense que comme il y a beaucoup, beaucoup de gens, c'est-à-dire que parfois, il y a trop de gens. Oui, trop de gens, qu'ils n'ont pas le temps de regarder voilà. tous les tableaux. Voilà. Et qu'il n'y a pas assez de tableaux. Il n'y a pas assez de tableaux. Je pense qu'on va fermer le musée. Ah bon ? Oui. Pour vos manques de tableaux, alors ? C'est-à-dire qu'il y a trop de gens... Trop de gens pour peu de tableaux. Voilà. Oui, oui. Enfin, pour moi, ça suffirait, monsieur le préfet.